je suis là. Le seul problème que j'ai, oh, il est pas grand, j'ai oublié la playlist, alors il a fallu que je me débrouille autrement. Et voici la playlist que j'ai sur l'iPad, heureusement. Bref, l'album de la semaine... Bonsoir à tous d'abord et à toutes. C'est l'album de la semaine de ce soir, c'est Pipes of Peace. Je vais tout mettre à l'endroit, de Paul McCartney en 1983. C'est la saga numéro 617 et on écoutera Pipes of Peace, Say Say Say avec Michael Jackson, The Man avec aussi Michael Jackson, The Other Me, Keep Undercover et Through Our Love. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Star et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Intuition sur Mind Games en 73. Harrison nous chantera Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Mais attention, ce sera la 18e prise sur un album qui va ressortir pour ses 50 ans, voire même 51. Là, dans deux jours. Dans deux jours, le 15 novembre, donc ça va être bien. Richard Anthony, Richard Starkey, je voulais dire. Richard Starkey, alias Ringo Starr, va nous chanter Night and Day sur Sentimental Journey. Et les Beatles, ce sera Wild Mac, Dodge and the Whips, mais la version de l'anthologie. Je vous retrouve sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, et je vous souhaite une très très bonne soirée en compagnie de John, Paul, Ringo et George, puisque... Le mercredi soir, c'est la saga des Fab Four. C'est uniquement sur RIG 90.7. L'album de la semaine, Pipes of Peace, et la chanson éponyme, Pipes of Peace également.

Après-demain ressort le coffret Living in a Material World de George Harrison et je vous propose Give Me Love, Give Me Peace on Earth, mais une version que vous ne connaissez peut-être pas puisque c'est la 18e prise qui sera sur le coffret. Night and day, wonder the height of me. There's oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Life making love to you day and night, night and day, day and night, night and day. Christine sur Facebook marque c'est pas Sinatra, mais ça lui va bien. C'est pas faux, ce Ringo n'a jamais été... Enfin, la principale qualité de Ringo, ça n'a pas été The Voice, comme pour Frank Sinatra, non. C'est sa qualité de batteur rythmique absolument fabuleux, il peut jouer des heures et des heures et des heures, il n'y a pas un pouce de variation dans le rythme, c'est ça qui est bien. Et il est aussi très inventif. Écoutez, regardez sur YouTube, j'en ai déjà proposé sur le groupe La Saga des Fab Four, regardez les témoignages d'autres batteurs très connus qui disent Ringo est une de mes idoles parce que c'est l'un des meilleurs batteurs inventifs et tout ça. Il a créé un style absolument spécial. C'est peut-être pas le meilleur technicien, mais il est très, très, très bon. Bon, ben justement, si vous voulez en savoir plus sur les Beatles, il y a au moins 3 sites à aller voir. 2 en français et 1 en anglais. Le premier en français, c'est le Maca Club, sur lequel vous trouverez des tas de renseignements sur le forum et également sur la page Facebook consacrée au Maca Club. Sur, par exemple, la venue de Paul McCartney le 4 et 5 décembre. Ça s'approche, hein, les enfants. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il n'y aura pas d'émission le 4 décembre, parce que c'est un mercredi. Et moi, je serai le 5 décembre à Paris. Et comme il fait également un show le 4, je ne veux pas faire de concurrence à Paul McCartney. Non, puis je serais trop excité à l'idée d'aller voir mon idole, donc j'ai pas envie vraiment, je serai en préparatif de départ. Donc il n'y aura pas d'émission le 4 décembre, voilà l'explication. Et il y a un autre site également, sur lequel vous saurez également tout sur les Beatles et sur McCartney. C'est le site yellowsub.net que vous trouvez en forum et que vous trouvez également en page Facebook. Je vous conseille d'aller voir les deux, ils sont tous les deux très très bien. Et puis, si vous voulez aller du côté international, celle qui sait tout sur les Beatles, puisqu'elle vit en Angleterre, c'est Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos 4 amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur BeatlesMagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. To unfold your love, I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I looked from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently que cette chanson, on pourra la chanter dans toutes les versions possibles et imaginables, ça restera une très très belle chanson. J'ai tiré cette version-là du Beatles Anthology sorti en 2010. Revenons, si vous le voulez bien, à l'album de la semaine et cette collaboration McCartney-Michael Jackson. La chanson Say Say Say est sortie le 3 octobre 1983. Produite par George Martin, elle est extraite en tant que premier single de l'album Pipes of Peace. Et sur la face B, il y a Ode to a Koala Bear. Et je vous signale que vous l'entendrez dans cette émission puisque je l'ai rajouté à la programmation. Le single se plaça à la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis du 10 décembre 83 au 21 janvier 84. Il fut également numéro 1 au Canada, en Norvège, en Suède et dans plusieurs autres pays. Il a atteint la place de numéro 2 au Royaume-Uni et a atteint le top 10 en Australie, en Autriche, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Suisse et dans plus de 20 autres pays. CCC marque le deuxième succès du duo McCartney-Jackson après le tube The Girl Is Mine en 82, extrait de l'album Thriller. Sur Pipes of Peace figure également The Man, qu'on écoutera aussi, un autre titre interprété par les deux chanteurs. Ce titre fut sérieusement envisagé pour être édité en single, mais un troisième single du duo McCartney-Jackson fut finalement abandonné. En 79, Michael Jackson avait repris pour l'album Off the Wall le titre Girlfriend de Paul McCartney. Écrit pour Michael Jackson, ce titre était d'abord sorti en 78 sur l'album London Town du groupe Wings, donc de Paul McCartney. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir entendu à la radio dans ces années-là, 83 et au-delà. Et puis vous l'entendez dans la saga des Fab Four, c'est normal. La saga des Fab Four, c'est la radio des Beatles. Say, say, say what you want, but don't play games with my affection. Take, take, take what you need, but don't leave me with no direction. All alone, I sit home by the phone, waiting for Je vous propose de revenir en arrière de quelques années. Nous passons de 1983 à 1968, puis nous irons direction 1971. Vous avez fait le trajet ? Voilà. 1968, John Lennon et ses potes vont en Inde et en retirent un maximum de chansons qui vont être presque toutes, mais pas toutes, il y en avait encore plus, sur l'album, le White Album, leur premier double album, puisque ils en avaient trop pour ne faire qu'un simple. Et John Lennon compose Child of Nature. Il trouve, je pense que ça devait être dans les Beatles à l'époque, en tout cas encore en 1968, c'était si un des quatre refuse, c'est abandonné. Je pense que comme McCartney avait fait Mother Nature's Son, c'était un peu trop proche de Mother Nature's Son pour rester sur cette chanson-là. Donc John Lennon mettra cette chanson dans son placard, dans son tiroir, et la ressortira en 1971 sur un autre titre. Vous le savez, puisque vous êtes fan de la saga. Mais on va l'écouter quand même, et ceux qui découvriraient cette saga des Fab Four pour la première fois, on ne sait jamais, essayez de deviner de quelle chanson il s'agit. C'est super facile. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less. Was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies. And my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul, touch the windows of my soul. Just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Pendant très longtemps, cette chanson était un inédit qu'on retrouvait sous le manteau, on va dire, jusqu'en 2018, date à laquelle, eh bien, avec la sortie du coffret des 50 ans de l'album Blanc, eh bien, on a eu le droit à l'officialisation de cette chanson-là, qui figure sur le coffret. Vous l'avez deviné, en 1971, sur l'album Imagine, la chanson Child of Nature a été réimaginée, c'est le cas de le dire. Il a enlevé toutes les paroles, il a gardé la musique par contre, parce que la musique lui plaisait, et c'est devenu Jealous Sky. Voici le titre sur RIG. myself some new friends. Don't you know I got a brand new feeling I just can't hide. Let's go. Get back to where I'm. c'est pas parce que je le passe rarement que j'aime pas cette chanson. Get Back, à l'instant, par les Beatles, c'est le remix de l'album bleu, sorti l'année dernière, donc un remix bien fort, bien fait, en tout cas. Et avant, c'était Ringo Starr avec All By Myself, pas du tout aucun rapport avec la chanson de Céline Dion, c'est sûr. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album, c'est Pipes of Peace, sorti en 1983. Et voici donc le deuxième titre qui n'a pas donné un 45 tours, mais qui est une bonne chanson quand même, le deuxième duo Michael Jackson-Paul McCartney, The Man, sur RIG. So well, ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. 'Cause the day has come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. A man. Everybody thought they knew. Ooh, there's such a man. He's not like me and you. Ooh, and it's just the way she thought it would be. As he says, something has happened to me. Then he laughs, he kicks and rolls up his feet. I'm alive and I'm here forever. This is the man. Petit clin d'œil, vous êtes peut-être en train de manger une crêpe au restaurant Twist & Crêpe qui a réouvert jusqu'à fin décembre. Allez-y, c'est à Talence au 329 cours de la Libération. Merci à Fabrice et Diane pour tout ce qu'ils ont fait. Merci d'être encore ouvert jusqu'à fin décembre. Nous, ça nous fait plaisir. Ils diffusent la saga des Fab Four en direct le mercredi soir. Et surtout, c'est le seul restaurant en France jusqu'à présent à être sur le thème des Beatles.

J'aurais bien besoin d'amour en ce moment. C'est une chose claire. Pourquoi ça fait ce bruit-là? Je pense que c'est sur l'enregistrement, sur mon ordinateur. Il faudra que j'essaie de voir ça. Vous êtes bien sur RIG et c'est la saga des Fab Four numéro 617 que vous écoutez. La saga des Fab Four, c'est uniquement sur RIG 90.7 le mercredi soir entre le mois de septembre et le mois de juin. Après, on fait une petite pause pour se remettre les idées en place et recommencer l'année d'après de plein de bonne humeur, etc. Nous en sommes déjà à la 41e saison. Alors pas sur RIG seulement, mais dans le global. J'ai commencé cette émission en 1984, quelque part. Peut-être que quelqu'un a des premiers enregistrements, parce qu'à l'époque, je n'enregistrais pas. Et comme c'était uniquement sur l'AFM et pas sur Internet, ça n'existait pas en 1984. Peut-être que quelqu'un a un enregistrement rare, mauvais sans doute. En tout cas, je me souviens qu'au début, c'était vous qui appeliez et qui demandiez votre titre. Et c'était pas toujours évident parce qu'évidemment, la plupart du temps, vous demandiez à peu près la même chose. Il fallait quelquefois deviner ce que vous demandiez. Et moi, je tricher un peu en proposant d'abord ce que vous demandiez, mais pas que, de façon à ce que ce soit un petit peu plus varié. Et puis un jour, je crois que c'était en 1992, le gars de la radio dans laquelle j'étais m'a dit « Et si tu faisais une playlist ?» Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais depuis 1992. Là, voici la suite de la playlist, vous voyez, je retombe sur mes pas, avec « Watching the Wheels » de John Lennon, mais dans sa version acoustique sur l'album du même nom, sorti en 2004. Crazy, doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings, save me from ruin. And when I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. But surely you're not happy now, you know. Say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Or tell them that I'm doing fine, watching the shadows on the wall. Or don't you miss the big time, boy. Sitting here doing time. Si vous avez assisté au début de l'émission, je vous ai dit que la face B du premier 45 tours sorti sur cet album Pipes of Peace, c'était Ode to a Koala Bear. La voici, la chanson, j'ai retourné le CD, si on peut dire. Faut jamais manquer les faces B d'un album, d'un 45 tours, d'un single de Paul McCartney, parce que 99 fois et demi sur 100, c'est très très bon. On va revenir à l'album de la semaine, l'album Pipes of Peace, et puis cette chanson, The Other Me. Dans son bouquin, The Lyrics, de 1956 au présent, McCartney, au sujet de cette chanson, dit... Après une dispute, les gens sortent avec en eux un sentiment très très fort et plein d'énergie, mais nulle part à aller pour sortir tout ça. Si t'es un écrivain, si t'es un auteur de chansons, tu peux utiliser ça en écrivant des chansons comme The Other Me. Tu peux être ton propre psychiatre. Tu revois tes actions, tu admets tes fautes et tu regardes, tu cherches une solution qui te rendra meilleur la prochaine fois.

Et sur un album qui s'appelle Jules Holland and His Rhythm and Blues Orchestra, l'album s'appelle Sunset Over London. Voici sa version de Lady Madonna sur RIG. J'aime bien cette nouvelle version qui date de 1999 de Lady Madonna. Autre chose, en 2009, Julian Lennon a sorti une chanson pour la mémoire de sa copine Lucy, parce que c'était Julian Lennon qui avait amené, alors qu'il était encore au primaire, un dessin. Et sur le dessin, il y avait sa copine Lucy qui était dans le ciel avec des diamants. Nous étions en 1967. Donc Julian avait, si moi j'en avais 3, il en avait 4, puisqu'il a un an de plus que moi, 4 ans. Et donc il était même à la maternelle, c'était même pas le primaire. Et donc ce dessin a inspiré John Lennon, ainsi que Lewis Carroll, puisqu'il est parti dans le délire complet. Et c'est devenu Lucy in the Sky with Diamonds. La BBC a cru que LSD, ça voulait dire justement la drogue, et pas du tout. C'était le dessin de Julian Lennon à propos de cette fille-là. Il a chanté cette chanson, Lucy, que voici sur RIG. She comes with her girlfriends, walking in circles, making their way hand in hand. When she plays with her girlfriends, she's one in a million, coming again and again. We still love you, Lou.

postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64, j'ai vu une interview de Paul McCartney récemment dans laquelle il dit, on lui a dit, et la retraite, tu prendras ta retraite? Et il a répondu, vous savez, la retraite en Angleterre, à mon époque, on la prenait vers 64 ans, justement, à peu près. Et moi, quand on m'a dit ça, j'avais 66 ans et je me sentais bien. Alors je me suis dit, bon ben, peut-être pas tout de suite. Et je téléphonais à Willie Nelson, entre parenthèses, Willie Nelson a bien 10 ou 15 ans de plus que Paul McCartney, et il lui a dit « Tu veux la prendre, toi, ta retraite ?» Et Willie Nelson lui a répondu « La retraite de quoi ?» Bah oui, quand on est complètement fan comme ça, on se retire pas, quoi. On continue, et c'est ce que fait Paul McCartney. Merci Paul, rendez-vous le 4 et le 5 à Paris, on y sera. Tiens, j'en ai parlé tout à l'heure par erreur, écoutez la basse. Love, I'm gonna take you out on a journey. I don't know where I'm going to, but I know what I've been going through without you by my side. Till the battle is ceased, keep out of trouble till the prisoners are released. What good's a puzzle when you haven't a clue? What good is me when I'm not with you? Might as well stay in bed. Keep under cover till the clouds disappear. Keep out of trouble till the weather is bright and clear. Cet extrait de l'album de la semaine, Pipes of Peace, sorti en 1983, et vous écoutez la saga numéro 617, la saga des Fab Four, uniquement sur RIG 90.7 ou sur www.rigfm.fr. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's Town with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said goodbye. Ça, c'était en 2008 sur l'album Liverpool 8, puisqu'en 2008, Liverpool était pour une saison, peut-être, je ne sais pas, quelques temps, je ne me souviens plus, la capitale de la culture, et donc Ringo Starr avait sorti un album qui s'appelait Liverpool 8 pour Liverpool 2008, et il a proposé une chanson Liverpool 8 dans laquelle il raconte sa vie, on va dire comme d'habitude, mais c'est bien, c'est une bonne chanson, c'est un bon album, tout comme celui que nous attendons qui va sortir le 10 janvier 2025. L'album va s'appeler Look Up, et voici le titre que je vous propulse régulièrement parce que j'ai envie que vous l'aimiez, cet album country qui arrive, j'ai envie que vous l'achetiez. Et de toute façon, on l'aura dans la saga des Fab Four, c'est sûr. Voici Time on My Hands, extrait du nouvel album à venir de Ringo Starr. I used to have a true love, everything was fine. But now she's found a new love, she's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man. But she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. The lesson's been learned. I'm over her now. That bridge has been burned. Because D'ailleurs, si vous écoutez la Deluxe édition, c'est ça, là, c'est ce qu'il y a. Il y a vraiment des sons en plus. Quand on écoute au casque, on entend tous les accords, etc. C'est absolument fabuleux. Et le plus dur pour moi a été d'arrêter le disque parce que j'avais envie de le laisser courir, puisque Eric ne sera pas là à 22h, sinon je l'aurais annoncé. Et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 chansons, plus la chanson bonus, vu que et je sais que Eric n'est pas là. Donc, voici le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album, c'est Pipes of Peace, sorti en 1983 par Paul McCartney. Voici Through Our Love sur RIG. We wasted time and again on things we already knew. Fun to do. I give my love to you. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. We can go through our love. so. I'd like to ruffle the spoons of Baltimore, yo. Mr. M with that big guy to the sing. Dying, but I still get along. la dernière chanson, là, Fear of Flying, est une chanson, une reprise, une cover de Charlie Doré, que je ne connaissais pas il y a très peu de temps, alors que la précédente, Baltimore Oriole, est sur l'album Somewhere in England, et c'est une excellente cover de George Harrison. On joue les prolongations, là, vous avez remarqué qu'on a dépassé les 22 heures. Allez, encore deux chansons avant le générique et la chanson bonus. Voici une troisième fois George Harrison avec une très belle chanson sur l'album George Harrison tout court qui est sorti en 1979. Cette chanson, c'est Soft Touch sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Souvent, la dernière chanson de la saga, c'est un Ringo Starr. Et c'est en 1981. You've Got a Nice Way, sur RIG. Extrait de l'album Stop and Smell the Roses. Wasn't too long ago, I was dying of an empty heart. When you get lonely, get so easy. stars. Then there was you there, loving me, waiting for me to get smart. You got a nice way of believing in me. You got a nice way of telling me so. Do but smile. Back a few years ago, I was blind, now I can see 4 miles. Baby, you saved me, loving me, will you stay for a while? You got a nice way of believing in me. You got a nice way, tell me so. Que Ringo ne fait pas de bonnes chansons. Mais personne ne le dira, parce qu'il fait de bonnes chansons. Allez, c'est la fin déjà, on a prolongé un petit peu plus. Merci d'avoir écouté la saga des Fab Four numéro 617. On sera là la semaine prochaine. Eric sera là aussi, il me l'a promis. Donc ce sera une émission jusqu'à 22h, passé du rien, de presque rien. Et puis n'oubliez pas, à chaque fois que Eric ne fait pas d'émission, il y a une chanson bonus juste après le générique. Donc restez encore. À très très bientôt. Merci d'avoir écouté. Merci d'être toujours là. Vous êtes un moteur pour moi. J'adore ça. J'adore savoir que vous êtes là. Et à très très bientôt sur RG 90.7. Bye.